إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 6 dans l'explication du livre Sharh Adab al-Mashi ila Salah. Et c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Hafidhahullah, c'est un des shuyukh de Médine. Et on est arrivé à l'endroit où le Cheikh il explique lorsqu'on est dans la salat, hein, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on regarde? Où est-ce qu'on pose notre regard? On a vu l'istiqbal al-qibla. Donc, quand on est dans la salat, après avoir fait le takbiratul ihram, qu'est-ce qu'on fait après avoir dit Allahu Akbar? Où est-ce qu'on regarde? Parce que vous voyez que des fois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder en l'air, il y en a d'autres qui regardent à gauche et à droite. Hein, ils ne savent pas où poser leurs yeux pendant la salat. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit qawluhu wa yustahabbu nadharuhu ila mawdi'i sujudihi fi kulli halati as-salat illa fi at-tashahhud fayanzuru ila sababatihi. Donc il dit il est recommandé de regarder à l'endroit où il se prosterne pendant la salat. Dans toutes les situations de la salat, excepté dans le tashahhud à la fin, où il va regarder son doigt, hein, son index, sababa. Et Cheikh Abdul Muhsin, il dit, ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي ثبت النهي عن الالتفات في الصلاة وعن رفع البصر إلى السماء. فلم يبق إلا النظر إلى الأمام أو إلى موضع السجود وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها وصححه ووافقه الذهبي. On va commencer par ça. Le Cheikh il explique ici qu'il a été rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdiction de se tourner durant la salat et également de lever le regard vers le ciel. Il ne reste donc que soit de regarder vers l'avant ou de regarder à l'endroit où on se prosterne. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la Kaaba, hein, pour prier et son regard ne s'est pas enlevé de l'endroit de sa prosternation pendant tout le temps qu'il était dans la salat jusqu'à ce qu'il sorte. Et ça c'est rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak selon Aisha radiallahu anha, et il a été authentifié par celui-ci, c'est-à-dire Al-Hakim il l'a déclaré sahih, et Al-Dhahabi a été d'accord avec lui sur cette authentification là. Et en général quand Al-Dhahabi est d'accord avec Al-Hakim, en général, ça veut dire que c'est authentique dans ce cas-là. Et il dit, wa fi sahih al-Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla fi al-Ka'bah rak'atayn wa amma an-nadhar fi at-tashahhud ila as-sababah fa thabata fi sunan an-Nasa'i an Ibn Umar radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على خده اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. Donc ensuite le cheikh Abdel Mohsen hafizallah, il dit qu'il a été rapporté également par Sahih al-Bukhari, par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié donc deux rak'a dans la Kaaba. En ce qui concerne le regard de l'index pendant le tashahhud, ça a été rapporté par l'imam al-Nasa'i dans son Sunan, selon Ibn Omar radiyallahu anhu. Il dit que il a vu un homme qui était dans la salat, puis il jouait avec des cailloux avec sa main pendant la salat. Pendant qu'il était en train de prier, il est assis pendant le tashahhud ou bien après, en tout cas il est en train de jouer avec des cailloux, des petits cailloux devant lui. Lorsque il s'est détourné de la salat, lorsqu'il a terminé la salat, Abdullah ibn Omar, il lui a dit ne bouge pas les cailloux pendant que tu es dans la salat, parce que ça vient du shaitan, mais fais comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, faisait. Et il lui a dit, et comment est-ce qu'il faisait, comment faisait-il? Alors il a répondu en disant, il mettait sa main droite sur son genou droit ou sur sa cuisse droite, et il indiquait avec son doigt qui est à côté du pouce, c'est-à-dire son index, vers la qibla, et il fixait son doigt, il fixait vers son index, ou vers cette direction-là, et il dit ثم قال هكذا رأيت. Il a dit, Abdullah ibn Omar, c'est ainsi que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire. C'est comme ça que je l'ai vu faire. Et il dit, وثبت أيضا في سنن أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعا ولفظه لا يجاوز بصره إشارته. Donc c'est rapporté également dans Sunan Abi Daoud, selon Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ou bien qu'il a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yujawizu basaruhu isharatahu, c'est-à-dire son regard ne dépassait pas ce qu'il indiquait avec son doigt, c'est-à-dire l'indication de son doigt, de son index. Après avoir expliqué ça, maintenant il passe à une autre, à la suite, c'est qu'est-ce qu'on appelle du'a al-istiftah. Du'a al-istiftah, c'est quoi? C'est l'invocation qu'on fait qui est comme l'ouverture de la prière, c'est-à-dire avant de commencer à réciter la Fatiha. Il y a un du'a qu'on fait à l'intérieur, c'est-à-dire à voix basse, ou c'est-à-dire que personne ne peut t'entendre sauf toi-même. Tu dis du'a al-istiftah. Donc il dit وقوله ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ça c'est le dua al-istiftah. Puis le cheikh il explique chaque partie de ce dua là. Donc il dit سبحانك اللهم وبحمدك ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله وقوله بحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك وتعالى جدك أي جلت عظمتك ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. Donc, le cheikh ici, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que tu fais ton invocation de l'ouverture de la prière à voix basse, sirran, pas pour que quelqu'un à côté de toi puisse t'entendre, juste pour que toi-même tu puisses t'entendre. Et tu dis Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanakallahumma, ça signifie je t'exalte et je te purifie parce que tu mérites, parce que tu mérites par ta majesté, ô Allah. Je te purifie de toute imperfection, de tout défaut, de tout manquement. J'affirme ce qui te convient ou ce qui convient à ta majesté, ô Allah. Et quand tu dis, parce que Subhanallah, c'est ça que ça signifie. Subhanallah, ça veut dire at-tanzih, de purifier Allah subhanahu wa ta'ala et d'enlever tout ce qui pourrait lui être attribué comme partenaire, comme imperfection, comme faiblesse, comme défaut ou quoi que ce soit. Wa bihamdik, on a dit que ça signifiait je réunis entre la glorification et le fait de mentionner ta louange, ta glorification, et de mentionner ta louange et de te purifier, de t'exalter. Et il dit wa tabaraka ismuk, ça signifie que en mentionnant ton nom, j'obtiens la bénédiction parce que ton nom est béni. Wa ta'ala jadduk, c'est-à-dire ta grandeur est majestueuse. Wa la ilaha ghayruk, et il n'y a rien qui mérite d'être adoré sur la terre ni dans les cieux. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré sur la terre et dans les cieux, excepté toi, ô Allah. Et le cheikh, il dit, à la suite de ça, il dit, il est permis de débuter ou d'ouvrir, de faire l'invocation de l'ouverture par tout ce qui a été rapporté. C'est-à-dire qu'il y a différentes invocations qui ont été rapportées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ouverture de la salat, pas seulement celle-là. Ça, c'est celle qui est peut-être la plus connue parce qu'elle n'est pas longue. Mais il y en a d'autres qui sont plus longues et qui sont également rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu peux choisir celle que tu veux tant qu'elle est authentique, il n'y a pas de problème. Et le cheikh Abdul Muhsin, il explique à ce sujet-là, et il dit Al-Etyanu bidu'a al-istiftah sirran بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحباتها. Donc le cheikh, il dit que de ramener l'invocation de l'ouverture en soi-même, ou à voix basse plutôt, après avoir fait تكبيرة الإحرام, le premier takbir, et avant de réciter la Fatiha, ça fait partie des choses qui sont recommandées parmi la sunna de la salat et parmi les choses qui sont recommandées. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Si tu ne la fais pas, cette invocation-là, ta prière va être quand même valable. Sauf que, en la faisant, tu augmentes tes hasanat, et puis tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore plus. Et le cheikh dit ensuite, « وَالدَّلِيلُ لِلْإِتْيَانِ بِهِ سِرًّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه البخاري ومسلم واللفظ له وهذا الدعاء من صيغ الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique que la preuve de faire le dua al-istiftah, à voix basse. Ça, c'est rapporté dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu. Il dit que Abu Huraira a demandé au messager d'Allah, hein, je vois que il y a entre ta récitation et le takbiratul ihram, il y a un silence. Hein? Je vois qu'il y a un silence entre les deux. Et je voudrais savoir, Yannick, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Alors il lui a dit le dua que je viens de mentionner en arabe et qui signifie « Oh Allah, éloigne entre moi et mes péchés comme tu as éloigné l'Est et l'Ouest. » Oh Allah, nettoie-moi de mes péchés comme tu nettoies le vêtement blanc de toute saleté. Oh Allah, lave-moi de mes péchés par la neige, par l'eau et par la grêle. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim et c'est la version de Muslim. Et c'est une des versions du dua de l'istiftah qui est rapporté de façon authentique de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il dit وهذا الذكر الذي ذكره المصنف المشتمل على اربع جمل هو من صيغ الاستفتاح الثابتة وهو عن عمر وعائشة وابي سعيد رضي الله عنهما وانظر ارواء الغليل. Donc il dit que la version que le cheikh a mentionnée du dua al-istiftah, c'est une des versions authentiques rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est composée de quatre phrases. Et cette version, elle est rapportée selon Omar, selon Aisha et selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum. Et tu peux également la retrouver dans le livre de Cheikh al-Albani, Irwa al-Ghalil, le numéro 340 et 341. Pour avoir le tahrif, si quelqu'un veut savoir le détail au sujet de ce hadith ou de cette invocation-là. Le troisième point que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, c'est « Wa ma'na subhanaka Allahumma wa bihamdik unazzihuka ya Allah amma la yaliqu bijalalik wa uthni alayka في الجميع بين التسبيح والتمحيد تنزيه والتمحيد تنزيه الله عز وجل عن كل ما يليق عن كل ما لا يليق به وإثبات كل كمال يليق به. Donc ici le cheikh il explique les phrases de cette invocation là. Les quatre phrases, la première, subhanakallahumma wa bihamdik, comme on l'a dit tout à l'heure, ça signifie, je te purifie, oh Allah, je t'exalte, de tout ce qui ne te convient pas, ou de tout ce qui ne convient pas à ta majesté, et je fais ton éloge, hein. Et je réunis entre le tasbih et le tamhid. Le tasbih, ça vient de, le fait de purifier Allah subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui ne lui convient pas. Et al-tamhid, ça vient de al-hamd, qui signifie la louange, hein, et les éloges, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabaraka ala wazni tafa'ala min al-barakati wa kullu khayrin wa barakatin innama yunalu bi dhikrihi subhanahu wa ta'ala kama qala azza wa jal ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub wa qala فاذكروني أذكركم وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري من حديث أبي موسى. Donc il dit تبارك, c'est la forme du verbe تفعل de la baraka. Donc, ça veut dire que tout bien et toute bénédiction ne s'obtient uniquement que par la mention de son nom, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, c'est comme l'exemple du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, hein? Que les cœurs s'apaisent. Et il mentionne également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et souvenez-vous, il dit ce qui signifie souvenez-vous de moi, et yani, ou bien mentionnez-moi, je vais me souvenir de vous, ou bien je vais vous mentionner vous aussi. Fazkuruni azkurkum, mentionnez-moi et je vais yani, vous mentionner également. Et il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple de celui qui se rappelle qui se rappelle de son Seigneur, et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est comparable à celui qui est vivant et celui qui est mort. Donc celui qui se rappelle d'Allah, il est le vivant. Celui qui ne se rappelle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme le mort. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith d'Abu Moussa. Il dit également que il dit ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء فيكون يعني من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة يعني فيعم كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Il dit que c'est possible également que quand on dit وتبارك اسمك, que ton nom soit béni, ou bien que la bénédiction vient de ton nom, que quand on dit ton nom au singulier, ça implique yani, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tous les noms d'Allah sont bénis, comme lorsqu'il dit et si tu calcules la grâce d'Allah, tu ne peux pas l'énumérer ou la dénombrer. Donc on la mentionne au singulier, mais ça veut dire en fait toutes les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala au pluriel. Donc on le met au singulier pour que ce soit le sens général en fait des noms d'Allah ou bien de la grâce d'Allah, c'est comme si c'est un exemple. Après, le cheikh il explique la suite wa ta'ala jadduk ay jallat 'azamatuka. Hein? Et on a déjà expliqué dans les cours dans le passé à propos du terme al-jadd, hein, wa ta'ala jadduk, que معنى الجد يعني هو الجلال والعظمة ويأتي بمعنى الحظ والنصيب كما في ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire al-jad, ça veut dire la majesté et la grandeur, hein? De même que ça peut aussi avoir la signification de la portion ou la part, comme lorsqu'on dit dans l'invocation après la salat wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Donc c'est pour dire que c'est la majesté ou la grandeur, ou bien aussi ça peut vouloir dire la portion et la part de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et donc c'est ça aussi dans sourate al jin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa annahu ta'ala jaddu rabbina, ta'ala jaddu rabbina. Donc al-jadd, c'est la majesté et la grandeur, c'est ça que ça signifie. Et il dit ensuite wa huwa mithlu qawlihi wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma attakhadha sahibatan wa la walada, comme j'ai mentionné justement maintenant. Il dit wa hadhihi al-kalimat al-thalath allati ja'at fi hadha ad-du'a wa hiya subhanaka wa tabaraka wa ta'ala. Yani ta'ala, ça veut dire qu'il soit exalté, qu'il soit élevé. C'est ça que ça veut dire. Parce que ça vient de yani ala, al-ali, al-a'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus haut, et le plus grand, le plus élevé, le plus exalté. La tuqalu illa lillahi. Donc on peut pas dire ces termes-là pour autre que de Allah. Subhanaka, tabaraka et ta'ala, ça c'est seulement, on dit ça seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu li ghayrihi. Subhanaka wa tabarakta wa ta'alayta. La subhana wa la tabaraka wa ta'ala. Donc ces trois termes-là, on n'a pas le droit de dire ça à propos d'une autre personne, ou d'un roi, ou d'un être humain, non. Seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق أو حق إلا أنت وهو مثل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله والمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. Donc le cheikh il explique que le terme ou la phrase la ilaha ghayruk c'est la même chose que la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté toi. Et c'est comme quand tu dis, rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça signifie de nier toute adoration qui serait offerte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala et de l'affirmer à Allah seul. C'est ça la signification. Et ensuite, il dit, وَثَبَتَ دُعَاءَ الْإِسْتِفْتَاحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ بِسِيَغٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَمِنْهَا أَسِّيغَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ والمصلي يأتي بأحدهما في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. Donc il y a plusieurs narrations, plusieurs formes de dua al-istiftah qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu deux formes jusqu'à maintenant, on a vu ces deux formes là et il dit que on peut donc utiliser n'importe laquelle, sauf que on ne doit pas en utiliser plus qu'une dans chaque salat. Si tu commences ta salat avec une, tu te limites à une, et si tu veux dans la prochaine ou dans une autre salat, tu vas réciter une autre, mais pas deux dans la même. Hein? Et il y en a une autre que j'avais appris. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ. Mais ça fait longtemps, j'ai oublié, il faudrait que je la relise encore. Bon, elle est plus longue en fait, celle-là aussi. وَيَأْتِي الْمُصَلِّ بِالِاسْتِفَادَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ بِالِاسْتِعَادَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ قبل القراءة بأي صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءته قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا أمر ندب ليس بواجب وحكى الإجماع على ذلك أبو جعفر ابن جرير وغيره من الأئمة. Donc le cheikh il explique que ensuite la personne qui fait la salat, elle va chercher refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan avant de réciter, hein? Et elle peut utiliser n'importe quelle des formules de yani la recherche du refuge en Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été rapportées authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, si, lorsque tu récites le Coran, cherche le refuge en Allah du shaitan rajim. Et donc il dit, si tu veux le réciter, c'est-à-dire lorsque tu veux réciter. Et Ibn Kathir dans son tafsir, hein, dans son interprétation du Coran, il explique que ça c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Et le consensus a été rapporté à ce sujet-là par Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari et d'autres parmi les imams de l'islam. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là, puis on continuera au prochain cours demain, inshallah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.